De toute évidence, je suis dans un sens unique. Le stationnement des voitures à gauche et à droite, toutes dans ce sens de circulation, le confirme, ainsi que les voitures arrêtées au stop. Je peux donc stationner à gauche ou à droite, comme bon me semble. Soit dit en passant, ce serait plus simple à droite dans ce cas. Les lignes bleues pointillées au sol signifient que je suis dans une zone bleue, où par définition le stationnement est gratuit, mais à durée limitée. Je vais donc devoir mettre un disque de stationnement sur mon pare-brise. Réponse A, B et D.